Il me faut vite ma taille, il me faut vite ma paye. En buvette, moi je me taille quand le flic de pute m'appelle. Pas changé, je suis le même qu'avant. Je vois de l'un donc je fais de l'avant. De la rue t'en veux, je t'en vends. Pas du genre à parler dans le vent. Ou avant, je veux dans le vent. Je gamberge trop souvent, j'étais pas attendu pour que les souviennent. Je me suis découvert en m'écoutant, j'ai galéré. Trop de soucis, je vais m'aérer. Pourquoi mon cœur me joue des tours? Pourquoi je me sens mal aimé? Ami à mort, le mal est fait. Je t'ai pas demandé la lune. En te voyant à toi, j'ai vu un mirage derrière la dune. Elle voit plus moi, elle voit ma thune. Elle s'en fout de moi, elle veut ma ture. C'est fini, j'y ai dit. Si elle voit un mec, maman, je la tue. Je perds mes repères, perds. Faut pas que je serre. J'ai dit, faut que je parte. J'ai vu l'enfer sur terre, frère. Quand j'y repense, mon cœur se serre. Je vis ma vie, laissez-moi. Je suis trop dans mon élément. Laissez-moi, c'est pas le moment. J'ai perdu un membre, je l'imagine en ange. J'ai ma sortie de l'ombre. Tout ce mal me range. Les souvenirs me hantent, mais je garde le bon. Pour lui, je remonte la pente. Je pense au passé, je vois les années qui passent. Et je me dis, c'est quoi cette putain de life? Je suis trop brave, je dis jamais non. Comme Nico, c'est pas des noms. T'as trahi, t'es pas des nôtres. J'ai vu de la jalousie, même sur des personnes sages. Mais j'avais oublié que le diable avait deux visages. Jamais non, pour m'y coucher pas des noms. Si t'as trahi, t'es pas des nôtres. J'vise la lune, j'évite le soleil. Me sens bien que dans mon sommeil. Un jour notre heure va sonner, mais avant ça faut toucher le sommet. Le fait du réveil m'a assommé. Le malheur m'a sonné. J't'ai rien prié, j'ai perdu mon temps. Tout te donné. Vous voulez que je coule? Va falloir abandonner. Pas le temps pour les vacances, pas le temps de partir en randonnée. J'rappe affolé. À dire j'ai plein de choses. Morta dans Gamberge, pas faroule un joint John. L'instru j'l'ai lynché, j'mande à linger. Le studio ça te l'enfume, tu rentres chez toi cintré. J'ai pas confiance, on te casse, mais j'en veux pas tes kisses. Un petit verre t'es qui, déshabille-toi et je te casse. Faudrait qu'on tasse, mon garçon et j'en passe. Pourquoi ce regard sombre quand les gens passent? Donne-moi ton hum, je m'en fous de ton face. Viens faire bisous, comme dans Scarface. Je pense au passé, je vois les années qui passent. Et je me dis c'est quoi cette putain de life? J'suis trop brave, j'dis jamais non. Comme Nico, c'est pas des noms. T'as trahi, t'es pas des nôtres. J'ai vu de la jalousie, même sur des personnes sages. Mais j'avais oublié que le diable avait deux visages. Jamais non, mais aussi pas des noms. T'as trahi, t'es pas des nôtres. Je pense au passé, je vois les heures qui passent. Et je me dis c'est quoi cette putain de life. J'suis trop brave, j'dis jamais non. Comme Nico, c'est pas des noms. T'as trahi, t'es pas des nôtres.